ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نحمده ونثني عليه بما هو أهل له، على نعمه كبيرها وصغيرها، ظاهرها وباطنها. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم من الفائزين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم. لونج الله. Nous implorons son pardon. Nous implorons sa protection contre le mal qu'il y a en nous et le mal qu'il y a dans ce que nous faisons. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et le messager d'Allah. Louange à Allah pour tous ses bienfaits, majeurs et mineurs, apparents et implicites. Seigneur, nous avons agréé que tu sois notre Dieu, que la religion de l'islam soit notre mode de vie et notre culte, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit notre messager et notre guide. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il convient et tâchez de nous mourir comme lui étant entièrement soumis. La parole la plus véridique est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la voie la mieux guidée est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et en matière de religion, il n'y a pas de place pour les innovations. Toute innovation est une déviance. La déviance mène à l'enfer qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. ذكرنا في الأسبوع الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى أن المسلم الذي يعيش في فرنسا، المواطن الفرنسي للدين الإسلامي المسلم، لا يجب أن يقبل أن يعامل على أنه أجنبي، على أنه غريب. واليوم إن شاء الله تتمة الموضوع إن شاء الله، لأن الغرض عندما يقولون إنك غريب وإنك أجنبي أنك ليس لك الحق في أن تؤثر في المجتمع، وأن تطلب التغيير في المجتمع، وأن تكون في الحقوق وفي الواجبات مثلك مثل الناس جميعا، لك ما لهم وعليك ما عليهم. الغرض الثاني هو إبعاد دينك الذي هو في معتقدك أنت المسلم، هو دين الله الخاتم الذي ختمت به الرسالات، وأن شعاره أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هو شعار النجاة في الدنيا وشعار النجاة في الآخرة. فيقولون إنك أجنبي ليبقى دينك أجنبي، لتحس بأن ما يتعلق الأمور التي لها علاقة بدينك حتى تبقى مخبية لأنك براني غير دايز. لا يجب أن تقبل هذا. إن الله سبحانه وتعالى قال: وأرض الله واسعة وإياي فاعبدوه. فنحن نعبد الله سبحانه وتعالى حيثما تيسر لنا. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وجعلت لي الأرض مسجدا أنت مسلم فيما كنت ما دام هناك أرض وسماء فأنت مطالب بالصلاة في أي مكان في أي مكان لأن الله سبحانه وتعالى جعل لك الأرض كلها مسجدا إذن أنت تقيم دينك حيث أنت مقيم فإذا كنت كتحس بأنك من هذه البلاد من طينها ومائها وهوائها تريد لها الخير الذي تريد لنفسك وتكره الشر الذي تكرهه لنفسك فأنت تقيم الدين في هذا البلد ما استطعت لأن الله سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعت ولا مساومة في ذلك ولا أحد يطلب منك أن تتخلى عن دينك يقول لا أحد أي إنسان عنده ضمير كيفهم معنى الحقوق يحترم حقوقك كإنسان كمواطن لا يطلب منك أن تتخلى عن دينك من يطلب منك أن تتخلى عن دينك ناس عندهم أغراض أخرى يحملون في أنفسهم حقدا دفينا عن الدين عامة وعن الإسلام خاصة وهؤلاء ماشي هم اللي كيسيروا البلاد الحمد لله ولكن يلغون كي يشوشوا على المسلم حتى لا تستقيم له لا الدين ولا الدنيا فالمسلم بعض الناس كيظن بأنه إذا أراد أن يقيم الدين فعليه أن يتخلى عن الدنيا لأن أقول لك لا من خدمش لي أنا ما يخلونش نصلي الجمعة من عملش هذه لأن كذلك ومنهم من يظن بأن إذا بغيت تربح في الدنيا فعليك أن تتخلى على الدين وهذا ليس لا يستقيم الدليل على ذلك كثير من الناس الحمد لله نجحوا في الدنيا على أعلى المستويات ولم يتخلوا على نقطة أو حبة من دينهم وناس بلغوا في التدين شأنا عظيما ولم يتخلوا في عن دنياهم من شيء وهذا من كمال دين الإسلام هذا من كمال دين الإسلام وليس هناك دين بهذا التوازن وبهذا العظم Suite à ce que nous avions dit la semaine dernière, que le croyant musulman, citoyen de ce pays, qui vit ici, qui travaille ici, qui se nourrit de la terre, de l'air et de l'eau de ce pays, qui s'est inscrit dans le même destin que ce pays, ne doit pas se laisser considérer comme un étranger de passage. Et on avait fait long la semaine dernière là-dessus. Parce que le but, lorsqu'on veut t'enfermer dans ce statut d'étranger, c'est pour que tu n'accèdes jamais à tes droits, à tes pleins droits. Tu restes toujours de seconde zone. Alors, qu'ils essayent, c'est une chose, que tu l'acceptes toi, et que tu l'intègres dans ton conscient, ton inconscient, ça c'est une autre chose et tu devrais refuser. Alors, en termes de devoir, en termes de droit, c'est pas toujours pour toi, c'est pas pour toi. Parce que tu manges à quelqu'un qui est couleur de l'homme. On va revenir sur cette idée-là. Deuxième grosse conséquence d'une telle attitude négative, c'est que ta religion, ton mode de civilisation, ta façon de voir le monde, elle est liée à toi puisque tu es étranger. Donc elle est aussi de passage. Et tu commences à considérer inconsciemment que dès qu'il s'agit de ta religion, tu devrais. Dès qu'il s'agit de pratiquer ta religion, oui, mais on n'est pas chez nous. Vous savez, beaucoup de gens parmi les parents l'ont dit à leurs enfants. Oui, mais attention, on n'est pas chez nous. Je l'ai entendu et ça m'a scandalisé. Mais que voulez-vous ? Les gens se sont installés dans leur tête. On n'est pas chez nous, on n'est pas chez nous, on n'est pas chez nous. Ce qui fait que l'arbre dont j'ai parlé la semaine dernière n'a jamais pris racine. ne s'est jamais construit. La maison dans laquelle nous évoluons n'a pas de fondation. Le moindre souffle, la moindre inondation l'emporterait. Et on a perdu une génération, deux ou trois, avec cette idée qu'on n'est pas chez nous, Un musulman ne devrait pas être schizophrène. Si je veux réussir matériellement, alors le prix c'est de renoncer à ma religion, sinon ils ne vont pas m'accepter. Dernièrement, il y a un jeune, un converti. Vous savez, je devrais m'asseoir parce que c'est... On n'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent-ils produire des idées aussi minables à trouver du boulot. Des frères, bien dans la religion, vous savez, ça se voit sur eux. Ils lui ont dit, hey, tu peux prier le vendredi? Il a dit, non, je peux pas. Il a dit, dans ce cas-là, tu laisses tomber. Tu vis sur les allocations de je ne sais quoi, mais tu laisses tomber. Parce que tu ne peux pas concilier ce genre de choses. Tous les gens qui travaillent savent que ça se négocie, ces trucs-là. Savent aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, fattaqullaha ma mastata'tum. Fais de ton mieux. Et quand tu ne peux pas, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne te le demande pas. Retenez cette règle-là. Quand tu veux faire quelque chose et que tu n'y arrives pas, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas demandé cette chose. Mais à condition que tu aies fait le nécessaire. Tu as essayé, mais tu n'es pas arrivé. Alors tu ne seras pas jugé sur ça. Par contre, tu seras jugé sur l'essai. Alors des gens commencent à croire, ou ça fait longtemps qu'ils croient, que pour bien gagner sa vie, eh bien, il va falloir faire comme tous les autres. Tricher comme les autres, les crédits bancaires, on y va à droite, à gauche. Pourquoi? Parce qu'ils disent, oui, mais... La religion est un local. Et après tout, on n'est pas chez nous. Encore toujours la même phrase. Vous avez les autres dans l'autre sens. Ils veulent être dans la religion. Alors, le boulot, c'est un obstacle. L'effort est un obstacle. La production de richesse est un obstacle. Parce que ça entrave ma religion. Regardez les compagnons du prophète, alayhi salam. Quand ils sont arrivés à Médine, ils ne sont pas restés à attendre les allocations de l'Ansar. Ils se sont mis au boulot. Je vous cite un exemple, le plus beau de tous les exemples. Abdurrahman ibn Auf. Retenez ce nom-là. Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu. Il arrive à Médine. Il n'a rien, parce qu'il a quitté la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a procédé à la fraternisation entre les muhajirines et les ansars. Et il a fraternisé avec un des ansars. Cet homme, tellement généreux, tellement comme Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits dans le Coran, « وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا » Il lui a dit, « Mon frère, je te cède la moitié de ma richesse. Et j'ai deux épouses. J'en répudie une et tu l'épouses. » On se croirait dans un rêve. Il lui a dit, garde ta femme et garde ta richesse. Montre-moi où se trouve le marché. Je sais produire de la richesse. Quelque temps plus tard, il a eu sa richesse et on dit de lui, il était tellement riche à la fin de sa vie, le hadith est à vérifier, il a été tellement riche qu'il entrera au paradis à plein ventre. Le trésor que tu as dans ta religion qui te permet de réussir dans ta vie, dans ce bas monde, et que de réussir dans ta religion, c'est un trésor qui n'existe dans, allez, je vais m'aventurer, dans aucune autre religion avec cette force-là, de concilier les deux. Vous savez, Jean-Paul II, vous savez, l'ancien pape, a dit dans le dernier livre qu'il avait écrit, il a dit, ayons du respect pour les musulmans. Ce sont des gens capables de prier 5 fois par jour à notre époque. Et ça, chez nous, c'est-à-dire chez les, chez les catholiques, il n'y a qu'un moine qui peut faire ça. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a, qui ne fait que ça. Le nombre de frères que je connais, mais c'est des que vous connaissez, ils ne ratent pas une prière, mais ils sont au boulot, ils sont à tout, ils sont dans toutes les activités. Tu le trouves, quand tu fais Tarawih, tu le trouves jusqu'au dernier moment, et le lendemain, tu le trouves au boulot. Ce n'est pas un moine, c'est juste un musulman. Et je dirais même, c'est comme ça que le musulman ordinaire devrait être. Eh bien, ne négocie pas ta religion parce que c'est ton moteur qui te permettra à la fois de maintenir la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et de maintenir la relation avec l'époque dans laquelle tu vis. Qu'ont dit les gens sages à Qarun, vous savez Qarun, Corée, l'homme qui était riche, tellement riche, que ce n'est pas les trésors qui pesaient lourd, les clés des trésors. Pour pouvoir porter les clés, il fallait s'y mettre à plusieurs, rien que pour eux. Ils lui ont dit quoi ? وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. Ils lui ont donné, comment dire, la philosophie de ce que doit être un croyant et un musulman à notre époque. Dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à ta disposition, cherche à accéder au salut de l'au-delà. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Et ne te coupe pas de ce monde. Les joies de ce monde, tu y as droit aussi. Le bonheur de ce monde, tu y as droit aussi. Mais attention, la première phrase répond à la deuxième, et la deuxième répond à la première. Dans ce que tu fais, tu veux la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu veux aussi avoir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans ce monde. Et avec les deux là, tu es un vrai croyant. Et sois un bienfaiteur comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a été pour toi. Et que ton intention ne soit pas de corrompre la terre. Voilà le plan dans lequel nous devons nous inscrire, nous tous, les croyants de ce pays, dans lequel nous avons, alhamdoulilah, énormément de richesses. Elles ne nous sont pas interdites. Dans lequel nous avons la possibilité de pratiquer notre religion. Personne, il n'y a rien qui t'interdit de pratiquer ta religion. Oui, il y a parfois quelques difficultés, mais si tu sais t'y prendre, il y a toujours une solution. Bi-idhnillah. Subhanak Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka rahmanur rahim. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كثير من الناس يروج ربما من شفل في أوساط العامة ولكن في أوساط المثقفين أن الإسلام غريب على الحضارة التي نحن فيها. وهذا إما جاهل لا يعرف لا التاريخ ولا الحضارة ولا أي شيء، أو متجاهل يريد أن يسلب للإسلام حقه بأنه قد قاد البشرية وما زال يقودها إليه. L'idée que la religion de l'islam est étrangère à l'Europe, que l'islam n'est pas dans la culture de l'Europe, c'est une idée qui fait son chemin depuis déjà pas mal de temps. Et notamment nos intellectuels, ça s'est inscrit dans leur tête. depuis déjà la fin du 19e siècle et encore au 20e siècle, où tout essor de la civilisation devait passer par la rupture avec la religion. Que le sous-développement, la cause était la religion. Nous avons grandi, nous, avec des gens qui nous rabâchaient ces idées-là. Et malheureusement, ça continue aussi. L'histoire du pays dans lequel nous sommes s'est construite, malheureusement aussi, dans le conflit avec des pays où la religion est l'islam. Mais ça, c'est l'histoire. Et les grandes nations digèrent leur histoire pour créer leur avenir. On ne doit pas tourner le dos à cette partie de l'histoire, mais on doit la comprendre. On doit essayer de l'intégrer pour pouvoir la rendre efficace dans notre vie. Beaucoup de gens ne retiennent, quand vous leur dites, allez, les relations, dans l'histoire, l'islam est la France. Il va te dire la fameuse date 732. Charles Martel, les Français ont arrêté l'avancée des Arabes. C'est la seule date qu'ils connaissent. Mais ça, c'est long à expliquer, mais c'est voulu. Il y a certaines dates, on leur donne plus d'importance que d'autres. Comme ça, dans la tête des gens, reste l'idée que l'islam, c'est la religion de l'envahisseur. 732. On est en 2016. Alors on est dans 13 siècles plus tard, on te parle d'une bataille. D'une bataille d'il y a 13 siècles. Comme si l'humanité s'était endormie depuis elle s'est réveillée, maintenant comme si rien ne s'est passé. Bien des choses, bien des échanges ont eu lieu entre la grande civilisation de ce pays et les grandes civilisations d'inspiration islamique dans d'autres pays. On m'a appris, quand j'étais jeune, que les échanges entre les Abbassides, donc la grande capitale du monde de l'époque de Bagdad, et Charlemagne étaient des échanges très, très, très, très fructueux. Mais vraiment des échanges importants. Même parfois, des aides militaires se sont passées. Qui a appris parmi les jeunes Français là, qui ont grandi avec les enseignements qu'ils ont reçus? Qui a appris que Suleyman le Magnifique, Suleyman al-Qanouni, quand François Ier a perdu une bataille, il a été emprisonné. Et ça en était fini, pratiquement, de toute la France. Là, on est dans les 1500 et quelques. La bataille de Marny, c'était 1515. C'était juste un petit peu après, à l'époque de Suleyman le Magnifique. Il a écrit à Suleyman le Magnifique, envoie-moi de l'aide, parce que je suis emprisonné et mes ennemis ont pris le dessus. Il lui a répondu juste très simplement, sur le dos pratiquement de la missile. Ne t'inquiète plus à partir de maintenant. Et les armées turques sont venues, ont défait l'ennemi de la France, ont libéré le roi de France et l'ont remis sur son trône. Alors mettez ça dans la balance et mettez 732 dans l'autre balance. Laquelle est la plus importante des deux dates? Laquelle devrait-on enseigner à nos enfants pour comprendre que c'est l'histoire de ce pays, comme l'histoire de tous les pays, c'est un mélange de tout ça. Que l'islam, que ce soit à travers la production intellectuelle de tout le Moyen-Âge, ou par même ce que je viens de vous donner comme exemple, il y a eu des échanges, et des échanges énormes, voire parfois décisifs. Actuellement, il n'y a pas très longtemps, la Sorbonne ici produisait les plus grands, parmi les plus grands spécialistes de l'islam. Enseigner l'islam à la Sorbonne, c'était chose normale. Celui qui était devenu Cheikh al-Azhar, Mohamed Abdallah Draz, rahimahullah, Où est-ce qu'il a eu son doctorat, à votre avis? Il l'a eu ici, à Paris. Et c'était à l'époque de la grande ouverture intellectuelle, où on cherchait plus à connaître l'autre, à échanger, à prendre et à donner. Maintenant, on est dans la période de la médiocrité, la période des clips, la période des séries, la période d'un modèle où le divertissement est la norme. On a oublié. On a oublié tout ça. Vous vous rendez compte, il y a de grands intellectuels actuellement qui ont moins de la cinquantaine qui ne connaissent rien de l'islam. Alors que l'un des plus grands traducteurs du Coran, c'est Jacques Berck, un Français. Sans parler de tous les autres. La France, à une certaine période de son, a aussi contribué à développer la pensée islamique, voire même la religion musulmane. Là même, les Français ne le savent pas. Alors le but de ces quelques exemples, c'est de vous dire que ni la France, son histoire, n'est étrangère à l'histoire de l'islam, ni l'islam n'est étranger à l'histoire de la France. Donc enlevons ça de notre idée. Dernier exemple, et c'est pas le moindre. Des centaines de milliers de musulmans, pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, ont donné leur vie pour la libération de ce pays. On va dire que... Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? Rien que la Première Guerre mondiale, il n'y a pas moins de 100 000 morts. Continuera à dire, il n'y a pas eu de contribution des musulmans dans l'histoire de ce pays. Des visages que je vois là, dont la colonne vertébrale a été bousillée à force de construire ce pays après la Deuxième Guerre mondiale. On va dire qu'ils n'ont pas apporté leur contribution. Allez dans les hôpitaux actuellement et regardez la liste de médecins musulmans, des chirurgiens. On va dire, non, ils ne sont pas musulmans. Si, si, ils le sont. Ils apportent leur contribution pour ce pays. Alors on enlèvera de notre tête. On va essayer, nous, d'enlever de notre tête que nous sommes des étrangers qui ont la religion de l'étranger et qui ne sont ici que de passage. Notre contribution à l'essor de ce pays, à son épanouissement, à son développement, se fera parce que nous sommes conscients que nous sommes des citoyens à part entière et des musulmans à part entière. Tant qu'on n'a pas compris ça, eh bien on restera les étrangers qui ont la religion de l'étranger. Allahumma salli ala kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم احفظنا في انفسنا احفظنا في ازواجنا احفظنا في اولادنا. اللهم انا نسالك الامن والامان لهذا البلد. اللهم انا نسالك الامن لهذا البلد ولساكنيه. اللهم انا نعوذ بك من الفتن كبيرها وصغيرها ظاهرها وباطنها. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Je rappelle aux frères, Inch'Allah, qu'après la prière, il y aura la collecte pour la mosquée.